Assemblée législative 1849-1851 1. La misère 9 juillet 1849 Note de bas de page. Monsieur de Melun avait proposé à l'Assemblée législative au début de ses travaux de nommer dans les bureaux une commission de 30 membres pour préparer et examiner les lois relatives à la prévoyance et à l'assistance publique. Le rapport sur cette proposition fut déposé à la séance du 23 juin 1849. La discussion s'ouvrit le 9 juillet suivant. Victor Hugo prit le premier la parole. Il parla en faveur de la proposition et demanda que la pensée en fût élargie et étendue. Ce débat fut caractérisé par un incident utile à rappeler. Victor Hugo avait dit « Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. » Son assertion souleva de nombreuses dénégations sur les bancs du côté droit. M. Poujoula interrompit l'orateur. « C'est une erreur profonde, » s'écria-t-il. Et M. Benoît Dazy soutint, aux applaudissements de la droite et du centre, qu'il était impossible de faire disparaître la misère. La proposition de M. Demelin fut votée à l'unanimité. Note de l'édition de 1853. Messieurs, je viens appuyer la proposition de l'honorable M. Demelin. Je commence par déclarer qu'une proposition qui embrasserait l'article 13 de la Constitution tout entier serait une œuvre immense sous laquelle succomberait la commission qui voudrait l'entreprendre. Mais ici, il ne s'agit que de préparer une législation qui organise la prévoyance et l'assistance publique. C'est ainsi que l'honorable rapporteur a entendu la proposition, c'est ainsi que je la comprends moi-même, et c'est à ce titre que je viens l'appuyer. Qu'on veuille bien me permettre, à propos des questions politiques que soulève cette proposition, quelques mots d'éclaircissement. Messieurs, j'entends dire à tout instant, et j'ai entendu dire encore tout à l'heure autour de moi, au moment où j'allais monter à cette tribune, qu'il n'y a pas deux manières de rétablir l'ordre. On disait que dans les temps d'anarchie, il n'y a pas de remède souverain que la force. Qu'en dehors de la force, tout est vain et stérile, et que la proposition de l'honorable M. de Melun et toutes autres propositions analogues doivent être tenues à l'écart, parce qu'elles ne sont, je répète le mot dont on se servait, que du socialisme déguisé. Messieurs, je crois que des paroles de cette nature sont moins dangereuses dites en public, à cette tribune, que murmurées sourdement. Et si je cite ces conversations, c'est que j'espère amener à la tribune, pour s'expliquer, ceux qui ont exprimé les idées que je viens de rapporter. Alors, messieurs, nous pourrons les combattre au grand jour. J'ajouterai, messieurs, qu'on allait encore plus loin. Voix à droite. Qui ? Nommez qui a dit cela. Monsieur Victor Hugo. Que ceux qui ont ainsi parlé se nomment eux-mêmes, c'est leur affaire. Qu'ils aient à la tribune le courage de leurs opinions de couloir et de commission. Quant à moi, ce n'est pas mon rôle de révéler des noms qui se cachent. Les idées se montrent. Je combats les idées. Quand les hommes se montreront, je combattrai les hommes. Messieurs, vous le savez, les choses qu'on ne dit pas tout haut sont souvent celles qui font le plus de mal. Ici, les paroles publiques sont pour la foule, les paroles secrètes sont pour le vote. Eh bien, je ne veux pas, moi, de paroles secrètes quand il s'agit de l'avenir du peuple et des lois de mon pays. Les paroles secrètes, je les dévoile, les influences cachées, je les démasque. C'est mon devoir. Je continue donc. Ceux qui parlaient ainsi ajoutaient que, fait respirer au peuple un surcroît de bien-être et une diminution de malaise, c'est promettre l'impossible, qu'il n'y a rien à faire en un mot que ce qui a déjà été fait par tous les gouvernements dans toutes les circonstances semblables, que tout le reste est déclamation et chimère, et que la répression suffit pour le présent et la compression pour l'avenir. Je suis heureux, messieurs, que mes paroles aient fait éclater une telle unanimité de protestation. Monsieur le Président Dupin, l'Assemblée a en effet manifesté son sentiment. Le Président n'a rien à ajouter. Monsieur Victor Hugo, Ce n'est pas là ma manière de comprendre le rétablissement de l'ordre. » Une voix. « Ce n'est la manière de personne. » Monsieur Noël Parfait. « On l'a dit dans mon bureau. » Monsieur Dufournel à Monsieur Parfait. « Citez, dites qui a parlé ainsi. » Monsieur de Montalembert. « Avec la permission de l'honorable Monsieur Victor Hugo, je prends la liberté de déclarer... » Voix nombreuses. « À la tribune, à la tribune. » Monsieur de Montalembert à la tribune. « Je prends la liberté de déclarer que l'assertion de l'honorable Monsieur Victor Hugo est d'autant plus mal fondée que la commission a été unanime pour approuver la proposition de Monsieur de Melun, et la meilleure preuve que j'en puisse donner, c'est qu'elle a choisi pour rapporteur l'auteur même de la proposition. » Monsieur Victor Hugo. « L'honorable Monsieur de Montalembert répond à ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que la commission n'eût pas été unanime pour adopter la proposition. » J'ai seulement dit, et je le maintiens, que j'avais entendu souvent, et notamment au moment où j'allais monter à la tribune, les paroles auxquelles j'ai fait allusion, et que, comme pour moi les objections occultes sont les plus dangereuses, j'avais le droit et le devoir d'en faire des objections publiques, fût-ce en dépit d'elles-mêmes, afin de pouvoir les mettre à néant. Vous voyez que j'ai eu raison, car dès le premier mot, la honte les prend et elles s'évanouissent. Monsieur le Président. L'orateur n'a nommé personne en particulier, mais ses paroles ont quelque chose de personnel pour tout le monde, et je ne puis voir dans l'interruption qui se produit qu'un démenti universel de cette assemblée. Je vous engage à rentrer dans la question même. Monsieur Victor Hugo. Je n'accepterai le démenti de l'assemblée que lorsqu'il me sera donné par les actes et non par les paroles. Nous verrons si l'avenir me donne tort. Nous verrons si l'on fera autre chose que de la compression et de la répression. Nous verrons si la pensée qu'on désavoue aujourd'hui ne sera pas la politique qu'on arborera demain. En attendant, et dans tous les cas, il me semble que l'unanimité même que je viens de provoquer dans cette assemblée est une chose excellente. Eh bien, messieurs, transportons cette nature d'objection au dehors de cette enceinte et désintéressons les membres de cette assemblée. Et maintenant, ceci posé, il me sera peut-être permis de dire que, quant à moi, je ne crois pas que le système qui combine la répression avec la compression, et qui s'en tient là, soit l'unique manière, soit la bonne manière, de rétablir l'ordre. J'ai dit que je désintéresse complètement les membres de l'Assemblée. Monsieur le Président, l'Assemblée est désintéressée, c'est une objection que l'orateur se fait à lui-même et qu'il va réfuter. Monsieur Victor Hugo. Monsieur le Président se trompe. Sur ce point encore, j'en appelle à l'avenir. Nous verrons. Du reste, comme ce n'est pas là le moins du monde une objection que je me fais à moi-même, il me suffit d'avoir provoqué la manifestation unanime de l'Assemblée en espérant que l'Assemblée s'en souviendra, et je passe à un autre ordre d'idées. J'entends dire également tous les jours... Ah, messieurs, sur ce côté de la question, je ne crains aucune interruption, car vous reconnaîtrez vous-même que c'est là aujourd'hui le grand mot de la situation. J'entends dire de toutes parts que la société vient encore une fois de vaincre et qu'il faut profiter de la victoire. Messieurs, je ne surprendrai personne dans cette enceinte en disant que c'est aussi là mon sentiment. Avant le 13 juin, une sorte de tourmente agitait cette assemblée. Votre temps si précieux se perdait dans de stériles et dangereuses luttes de paroles. Toutes les questions les plus sérieuses, les plus fécondes, disparaissaient devant la bataille à chaque instant livrée à la tribune et offerte dans la rue. Aujourd'hui, le calme s'est fait. Le terrorisme s'est évanoui, la victoire est complète. Il faut en profiter. Oui, il faut en profiter. Mais savez-vous comment ? Il faut profiter du silence imposé aux passions anarchiques pour donner la parole aux intérêts populaires. Il faut profiter de l'ordre reconquis pour relever le travail, pour créer sur une vaste échelle la prévoyance sociale, pour substituer à l'aumône qui dégrade, l'assistance qui fortifie, pour fonder de toutes parts et sous toutes les formes des établissements de toute nature qui rassurent le malheureux et qui encouragent le travailleur, pour donner cordialement, en amélioration de toutes sortes, aux classes souffrantes, plus, 100 fois plus que leurs faux amis ne leur ont jamais promis. Voilà comment il faut profiter de la victoire. Il faut profiter de la disparition de l'esprit de révolution pour faire réparaître l'esprit de progrès. Il faut profiter du calme pour rétablir la paix, non pas seulement la paix dans les rues, mais la paix véritable, la paix définitive, la paix faite dans les esprits et dans les cœurs. Il faut, en un mot, que la défaite de la démagogie soit la victoire du peuple. Voilà ce qu'il faut faire de la victoire, et voilà comment il faut en profiter. Et messieurs, considérez le moment où vous êtes. Depuis 18 mois, on a vu le néant de bien des rêves. Les chimères qui étaient dans l'ombre en sont sorties, et le grand jour les a éclairées. Les fausses théories ont été sommées de s'expliquer. Les faux systèmes ont été mis au pied du mur. Qu'ont-ils produit ? Rien. Beaucoup d'illusions se sont évanouies dans les masses, et en s'évanouissant, ont fait crouler les popularités sans base et les haines sans motif. L'éclaircissement vient peu à peu. Le peuple, messieurs, a l'instinct du vrai comme il a l'instinct du juste, et dès qu'il s'apaise, le peuple est le bon sens même. La lumière pénètre dans son esprit, en même temps la fraternité pratique, la fraternité qu'on ne décrète pas, la fraternité qu'on n'écrit pas sur les murs, la fraternité qui naît du fond des choses et de l'identité réelle des destinées humaines, commence à germer dans toutes les âmes, dans l'âme du riche comme dans l'âme du pauvre. Partout, en haut, en bas, on se penche les uns vers les autres avec cette inexprimable soif de concorde qui marque la fin des dissensions civiles. La société veut se remettre en marche après cette halte au bord d'un abîme. Eh bien, messieurs, jamais, jamais moment ne fut plus propice, mieux choisi, plus clairement indiqué par la Providence pour accomplir, après tant de colère et de malentendus, la grande œuvre qui est votre mission et qui peut, tout entière, s'exprimer dans un seul mot, réconciliation. Messieurs, la proposition de M. de Melun va droit à ce but. Voilà, selon moi, le sens vrai et complet de cette proposition qui peut du reste être modifiée en bien et perfectionnée. Donner à cette assemblée pour objet principal l'étude du sort des classes souffrantes, c'est-à-dire le grand et obscur problème posé par Février, environner cette étude de solennité, tirer de cette étude approfondie toutes les améliorations pratiques et possibles, substituer une grande et unique commission de l'assistance et de la prévoyance publique à toutes les commissions secondaires, qui ne voient que le détail et auxquelles l'ensemble échappe. Placer cette commission très haut, de manière à ce qu'on l'aperçoive du pays entier. Réunir les lumières éparses, les expériences disséminées, les efforts divergents, les dévouements, les documents, les recherches partielles, les enquêtes locales, toutes les bonnes volontés en travail, et leur créer ici un centre où aboutiront toutes les idées et d'où rayonneront toutes les solutions, faire sortir pièce à pièce, loi à loi, mais avec ensemble, avec maturité, des travaux de la législature actuelle, le code coordonné et complet, le grand code chrétien de la prévoyance et de l'assistance publique, en un mot, étouffer les chimères du socialisme sous les réalités de l'Évangile, voilà quel est le véritable sens de la proposition de M. de Melun, voilà pourquoi je m'y associe énergiquement. Je viens de dire « les chimères du socialisme » et je ne veux rien retirer de cette expression qui n'est pas même sévère, qui n'est que juste. Entendons-nous cependant, est-ce à dire que dans cet amas de notions confuses, d'aspirations obscures, d'illusions inouïes, d'instincts irréfléchis, de formules incorrectes, qu'on désigne sous le nom vague et lui-même fort mal compris de « socialisme », il n'y ait rien de vrai ? Absolument rien de vrai ? Messieurs, s'il n'y avait rien de vrai, il n'y aurait aucun danger. La société pourrait dédaigner et attendre. Pour que l'imposture ou l'erreur soit dangereuse, pour qu'elle pénètre dans l'esprit des masses, pour qu'elle puisse percer jusqu'au cœur même de la société, il faut qu'elle se fasse une arme d'une partie quelconque de la réalité. La vérité ajustée aux erreurs, voilà le péril. En pareille matière, la quantité de danger se mesure à la quantité de vérité contenue dans les chimères. Eh bien, disons-le précisément pour trouver le remède, il y a au fond du socialisme une partie des réalités douloureuses de notre temps et de tous les temps. Il y a le malaise éternel propre à l'infirmité humaine. Il y a l'aspiration à un sort meilleur qui n'est pas moins naturel à l'homme, mais qui se trompe souvent de route en cherchant dans ce monde ce qui ne peut être trouvé que dans l'autre. Il y a des détresses très grandes, très vives, très vraies, très poignantes, très guérissables.